إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 26 dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a. Donc les deux grands imams parmi les imams des Salaf. Et on continue donc l'explication de leur aqidah, qui est la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, la aqidah des salaf. On a expliqué dans les cours précédents, la première secte qu'ils ont énumérée parmi les sectes d'égarement à la fin de leur aqidah, ils mentionnent Al-Murji'a. Après, ils ont mentionné Al-Qadariya. Donc on a parlé de ces deux sectes dans les derniers cours. Et au dernier cours, c'était justement Al-Qadariya. Et on a expliqué tout ce qui a rapport avec ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est à propos des Jahmiyyah et des Rafidah. Parce que c'est des sectes qu'ils parlent. Ils énumèrent ces différentes sectes à la fin. Donc, il reste Al-Jahmiyyah. Après, c'est Al-Rafidah. Et après, c'est Al-Khawarij Al-Murraq. Naam. Donc, ça, c'est les... qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer par rapport à ces sectes-là. Après, c'est d'autres questions qui ont rapport aussi avec la aqidah des salafs qui vont suivre, et des questions de manhaj également. Mais on est presque à la fin du livre. On est presque à la fin du livre. Le livre en tout, il est 232 pages, et on est à la page 190, donc il reste pas beaucoup. Donc on commence tout de suite avec le point numéro 26 dans la aqidah des deux Razi. C'est le point suivant. Wa anna al-jahmiyyah kuffar. Ça veut dire que les jahmiyyah sont des non-croyants, c'est des mécréants. Cheikh Rabi' hafizahullah, il explique, il dit al-jahmiyyah kuffar li'annahum 'attalu Allah min sifatihi wa ankaru 'ilma Allah wa sam'ahu wa basarahu wa qudratahu ila akhirih. Kawnuhu al-khaliq ila akhir al-ashya' qabbahahum Allah. عطلوا صفات الله تبارك وتعالى وأنكروا استواءه ونزوله ومجيئه وغضبه ورضاه كل الصفات القولية والفعلية والذاتية عطلوها فنتيجة مذهبهم أن الله غير موجود لأنهم يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلى آخره فكفرهم السلف لأن عندهم هذه العقيدة الخبيثة التي تصادم نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الكرام من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم فكفرهم السلف وبهذا المذهب الخبيث يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا وأن الجنة والنار تفنيان وكم كذبوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا وكذبوا فكفرهم السلف أو كم كذبوا. Donc le cheikh il explique ici que les Jahmiyyah sont des kuffar, c'est des non-croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont nié la connaissance d'Allah ainsi que son ouïe et sa vue et sa puissance et ainsi de suite, et le fait qu'il est le créateur, il nie toutes ces choses là donc qu'Allah les maudisse. ils ont nié les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ont nié également que Allah est au-dessus de son trône, élevé au-dessus de sa création. Il nie qu'il descend au dernier ciel de la nuit. Il nie qu'il viendra au jour de la résurrection. Il nie sa colère. Il nie son agrément. Et donc, il nie toutes les attributs d'Allah, qu'elles soient des attributs de la parole, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle, des attributs de l'action, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les attributs de son être. Donc, il nie tout ça. Et le résultat, donc, de leur croyance à cette secte, la secte des Jahmiya, c'est que, en réalité, ils croient que Allah n'existe pas. À la fin, la conclusion de ce qu'ils croient, ou de ce qu'ils disent, si tu vas jusqu'au bout, tu réalises qu'en fait, ils ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque eux, ils affirment uniquement une existence abstraite. Et ils nient tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelque chose qui n'a pas d'attribut, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est la réalité. Et ils disent que Allah n'est pas au-dessus de la création, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, et ainsi de suite. Il n'est pas connecté avec la création, ni séparé de sa création. Donc ça, c'est une parole qu'il mentionne, et c'est la négation même de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les salafs les ont déclarés comme étant des mécréants, des kuffars, à cause de cette mauvaise aqida qu'ils ont, qui est en opposition totale avec les textes du Coran et de la Sunna, et avec ce que les salafs et les sahaba et les ulama de l'islam ont affirmé. Et donc à cause de ça, tous les salafs les ont déclarés kuffar, les salafs les ont déclarés non-croyants. Et donc cette voie et cette croyance sale, mauvaise, ils disent dans cette secte, les gens qui prônaient cette secte disaient que le paradis et l'enfer ne sont pas créés, ils n'existent pas actuellement. Et ils disent que l'enfer et le paradis vont avoir une fin, c'est-à-dire que le paradis et l'enfer ne sont pas éternels. Et combien ils ont menti et menti et menti et menti et démenti la vérité, alors c'est pour cette raison-là que les salafs les ont déclarés kuffar. Et c'est mentionné dans Ar-Rad ala al-Jahmiyya de l'imam al-Darimi, également dans Sharh Usul al-Intiqad al-Sunnah wal-Jama'a de l'imam al-Lalaka'i. Les ulama ont déclaré ces gens-là kuffar, et ils ont même énuméré, l'imam al-Lalaka'i a même énuméré le nom de tous les savants qui les ont déclarés kuffar à travers l'histoire et parmi les salafs. Et donc ils mentionnent leurs noms, et en tout ils ont mentionné plusieurs, dont l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a même mentionné que plus que 550 parmi les imams des salafs ont déclaré les Jahmiyyah kuffar. Donc il dit l'imam al-Lalaka'i rahimahullah, حيث قال بعد سرد اسماء العلماء قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن قال مخلوق فهو كافر فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام وفيهم نحو 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة ولكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في يعني في سنة يعني أو في سني في سني نيف وعشرين وثم جهم بن صفوان. وأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري. وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك، وسأذكر قصتهما إن شاء الله. وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والبعد منهم ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة. انتهى كلامه. Donc il dit ici l'imam al-Lalakai, il a mentionné, après avoir énoncé le nom de chacun d'entre ces grands imams, il a dit, ils ont tous dit que le Coran c'est la parole d'Allah, elle n'est pas créée, et quiconque dit qu'il est créé, il est kafir. Quiconque dit que le Coran est créé, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Et donc, parmi eux, il y avait 550 savants qui ont été énumérés, et plus que ça même, parmi les tabi'in et les élèves des tabi'in et les imams, hein, à travers les différentes époques et les années et les années qui ont suivi. Donc, les grands imams, les grands ulama, et parmi eux, il y en a une centaine de qui les hommes ont pris leur science, ils ont pris leur voie dans leur position dans la religion. Et si j'avais pris le temps de mentionner la position des muhaddithin en plus, eh bien, il dit, si j'aurais mentionné leur nom, eh bien, leur nom aurait atteint plus que 1000, hein, des milliers de ulama. Mais il dit, je me suis limité, hein, j'ai résumé et j'ai enlevé les chaînes de transmission pour que ce soit plus court, mais j'ai mentionné, yani, époque après époque, siècle après siècle, qu'est-ce que ces grands imams ont mentionné. Et personne d'entre les ulama de l'islam ont condamné ou ont critiqué cette position que ce sont des kuffars. Et ceux qui ont critiqué, les ulama les ont appelés à se repentir, ou bien ils ont appelé à ce qu'ils soient exécutés, ou ils les ont expulsés, ou ils les ont crucifiés. Yani, subhanallah. Et il dit, contrairement, il dit, il n'y a pas de divergence parmi les ulama de la Ummah. Et il dit, il n'y a pas de divergence entre les ulama de la Ummah que le premier qui a dit que le Coran est créé, c'est Ja'd ibn Dirham. Et en l'an 120, hein, l'an 120 et quelques, Ja'd ibn Dirham. Et ensuite, il a été suivi par Jahm ibn Safwan. C'est Jahm ibn Safwan qui a été son élève, et c'est lui qui a propagé la position des Jahmiyyah par la suite. Et, yani, Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a propagé la croyance des Jahmiyyah. Mais son professeur, ou celui qui lui a enseigné ces égarements-là, c'était Ja'd ibn Dirham. Hein, mais Ja'd ibn Dirham, lui, il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Hein, c'est lui qui il a été exécuté, vous savez probablement l'histoire, c'est le jour de Eid al-Adha. Donc, c'était le dirigeant de la région. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens, allez égorger vos moutons, moi je vais égorger Ja'd ibn Dirham aujourd'hui, parce qu'il a nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est descendu du mimbar et il l'a égorgé ce jour-là. En ce qui concerne Jahm, il a été tué par Khalid, il a été exécuté par le dirigeant de la région qui est Khalid ibn Abdullah al-Qasri. et c'était dans la ville de Marw, yani Marwin, bien, je ne sais pas comment il prononce, mais c'est Marw. Les gens qui viennent de cette ville-là, en arabe, on les appelle Marwazi, ou Marwazi, ou bien Marouzi, ou Marouzi, des fois avec Zayd, des fois avec Zal. Et c'était pendant le khilafa de Hisham ibn Abdul Malik. Et il dit, je vais mentionner son histoire, Inch'Allah, et je vais commencer par mentionner les peines que les hommes de science ont imposées à ces gens-là. Et le fait qu'il était ordonné également de les boycotter, de s'écarter d'eux, pour que les musulmans puissent avoir en eux un bon, dans le sens que pour que les musulmans puissent savoir, hein, qu'est-ce que les ulama ont établi comme attitude et comme punition pour ces gens-là, pour qu'on puisse suivre l'exemple de ces ulama et les prendre comme des modèles et des exemples. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il mentionne justement à ce sujet-là dans An-Nuniyya des vers sur cette question. Il mentionne dans la poésie qu'il a écrit, qui finit par Nun, on l'appelle An-Nuniyya. ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. Donc il mentionne que les ulama se sont suivis dans le fait de les déclarer kuffar, et il dit que plus que 500 d'entre les ulama dans les différents pays, il a l'Aqai, il les a mentionnés, et avant lui, l'imam al-Tabarani les avait mentionnés également. Donc le Cheikh, il explique, Cheikh Rabi'a, il dit ensuite, وَالْجَهْمِيَّةِ الْجَهْمِيَّةِ كُفَّارِ. Donc les Jahmiyyah sont des kuffars. بَقِيَ نَاسْ تَأَثَّرُوا بِالْجَهْمِيَّةِ مَا أَخَذُوا كُلَّ الْمَذْهَبِ الْجَهْمِي أَخَذُوا بَعْضَهُ. Hein? فعدهم أهل السنة من أهل البدع وهم الأشاعرة ولكن هناك شيء وهو أنه يكون في الحكم مبتدعا بدعة خطيرة فإذا أقيمت عليه الحجة من كتاب الله ومن السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر مثلا على إنكار الاستواء والمجيء والرضا والغضب فإنه يكفر يعني يكفر. يعني الأشعرية يعد شيخ الإسلام ابن تيمية نوعا منهم من الجهمية. قسم الجهمية إلى ثلاثة أقسام: الجهمية الأساسية وهم من شرحنا حالهم عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى كلها يقولون بفناء الجنة والنار ولهم ضلالات أخرى. وجاء المعتزلة أخذوا جانبا بالإضافة إلى القدر الذي ينكرونه أخذوا من الجهمية تعطيل الصفات وقالوا أمنا بأسماء الله ولكن هذه الأسماء لا تدل على الصفات فإيمانهم بالأسماء شكلي أما الصفات فيعطلونها فكفرهم من كفرهم ومنهم من لا يكفرهم. والصواب أنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة عليهم. والنوع الثالث من الجهمية الأشعرية أخذوا جانبا من التجهم يعني تعطيل الاستواء والرضا والغضب الصفات الفعلية سايروا فيها الجهمية. فشيخ الإسلام عد هذا الصنف منهم جهمية الجهمية الصغرى الجهمية المتأخرة واستثنى من الأشاعرة من يؤمن بما في الإبانة لأبي الحسن الأشعري. Donc le Cheikh il explique, il dit que les Jahmiya, il dit le Cheikh, sont des kuffars, mais il dit il y a des gens qui ont été influencés par les Jahmiya. Ils ont pris certains ils ont pris une partie du madhab des Jahmiya, mais ils n'ont pas pris tout. Ils n'ont pas pris toute la position des Jahmiya au complet. Donc, ils sont des degrés dans leurs égarements. Donc, les Jahmiya ne sont pas tous d'un même degré d'égarement. Et le Cheikh explique, il dit que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a les considèrent comme des gens de bid'a. Et ce sont les Asha'ira, c'est-à-dire ceux qui ont une partie du madhab, une partie de la position de la secte des Jahmiyyah, mais qui, ils ne l'ont pas pris au complet. Donc les ulama les considèrent quand même comme étant des gens de bid'a, et ce sont les Asha'ira. Il dit, mais il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre, c'est que les ulama, ils ont jugé à leur sujet que ce sont des gens qui sont parmi les gens de bid'a qui ont une bid'a très grave et très dangereuse. Et que si on a établi la preuve contre eux, la preuve du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, contre eux, et qu'ils persistent toujours à nier les attributs d'Allah, comme le fait qu'il est au-dessus de son trône, à l'istiwa, ou bien le fait qu'il vient au jour de la résurrection, ou l'attribut de l'agrément, ou l'attribut de la colère, s'ils persistent à nier ces attributs-là, après qu'on ait établi la preuve du Coran et de la Sunna contre eux, il dit dans ce cas-là, ils sont, la personne qui nie ça, elle devient mécréante. C'est-à-dire qu'il dit que pour ce qui est des Asha'ira, ce qu'on appelle l'Asha'ariya, la secte Asha'ariya, ou parfois en français ils disent les Asha'arites, il dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il les considère comme faisant partie d'une des catégories des Jahmiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, il a divisé les Asha'ira en trois catégories. La première catégorie, c'est celle dont on a parlé, qui est la Jahmiyyah de base. Celle qu'on a dit à son sujet, qu'eux, ils nient tous les attributs d'Allah et tous les noms d'Allah sans exception. Et ils ne croient pas que le paradis et l'enfer vont demeurer éternellement. Ils ont beaucoup d'autres égarements, comme par exemple dans la foi. Ils disent que la foi, c'est connaître Allah. Donc pour eux, même Iblis est un croyant, Pharaon est un croyant, yani les Juifs, les chrétiens, tout le monde sont des croyants. Donc ça, c'est les égarements des Jahmiyyah. Il y a une autre secte qu'on appelle les Mu'tazila. Eux aussi, ils ont pris une partie de la croyance des Jahmiyyah. Donc, c'est le deuxième degré, ou la deuxième catégorie des Jahmiyyah. On les appelle les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, eux, ils ont rajouté à la bid'a des Jahmiyyah la négation de la prédestination. Donc, ils ne croient pas en Al-Qadar. Jahmiyyah, ils ne croient pas en Al-Qadar. Et ils ont pris des Jahmiyyah la négation des attributs. Donc, ils nient tous les attributs d'Allah, tous ces attributs, et ils disent que les noms d'Allah ne représentent pas des attributs. C'est-à-dire, les noms d'Allah, pour eux, sont des noms qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de signification. D'accord ? Donc, Al-Alim, ça n'implique pas Al-Ilm. Et Al-Qadir, ça n'implique pas Al-Qudra. Et Al-Khaliq, yani ça n'implique pas Al-Khalq, et ainsi de suite. Yani donc, c'est comme s'ils avaient nié le lien entre le nom et sa signification. Et la signification du nom, c'est l'attribut. D'accord ? Donc, quand Allah il dit par exemple qu'il est Al-Alim, ça implique qu'il a Al-Ilm. Eux, ils disent non, il est Alim, mais sans Ilm. Il est omniscient, mais sans science. Il est Qadir bila Qudra, Sami' bila Sam'a. Il entend tout, mais il est sans oui. Il voit tout, mais il est sans vu. C'est de l'absurdité totale. De la part de gens qui prétendent utiliser la raison. C'est totalement absurde. Allahul Musta'an. Donc ces gens-là, il y a des ulama qui les ont déclarés kuffar, et il y en a d'autres qui ne les ont pas déclarés kuffar. Et le cheikh, il explique que la position correcte à ce sujet, c'est que on ne les déclare pas kuffar avant d'avoir établi la preuve contre eux. Et la troisième catégorie de Jahmiya, c'est celle qu'on appelle al-Ash'ariya. Al-Jahmiya, al-Ash'ariya. Et eux, ils ont pris une partie de la croyance des Jahmiyyah, c'est-à-dire la négation de certains attributs, ou bien de la plupart des attributs, excepté quelques-unes. D'accord ? Donc, par exemple, eux, ils nient al-istiwa, ils nient al-rida, ils nient al-ghadab. Al-istiwa, c'est-à-dire que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ou l'agrément, l'attribut de la colère, et toutes les attributs qui sont les attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils les nient, et ils ont suivi l'exemple des Jahmiyyah dans ces attributs là. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il les considère comme une forme de Jahmiyyah. C'est comme, disons, la petite Jahmiyyah, al-Jahmiyyah al-Sughra, la petite forme de Jahmiyyah, si tu veux, ou bien al-Jahmiyyah al-Mutaakhira, c'est-à-dire ceux qui sont venus après. Ils sont sur la même voie que les Jahmiyyah, mais ils ont, disons, ils n'ont pas été aussi extrêmes qu'eux. Ils ont été moins extrêmes qu'eux, mais ils sont quand même en train de nier certaines attributs d'Allah. Et à cause de ça, donc, le cheikh, il dit, donc, sont des gens d'égarement, et c'est un égarement très grave et très dangereux. Après, le cheikh, il dit, وَاسْتَثْنَى مِنَ الْأَشَائِرَةِ مَنْ يُؤْمِنُ بِمَا فِي الْإِبَانَةِ لِأَبِي الْحَسَنَ الْأَشْعَرِ. Donc, il dit, Ibn Taymiyyah, qu'il a exclu des Asha'ira ceux parmi eux qui croyaient en ce qui est mentionné dans le livre de Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui s'appelle le livre qui s'appelle Al-Ibana. Donc il a dit, les Asha'ira qui croient en Al-Ibana, et qu'est-ce qui est écrit dedans, ceux-là on les exclut, dans le sens qu'ils ne font pas partie des Asha'ira Jahmiyyah. Parce que dans Al-Ibana, Abu al-Hasan al-Ash'ari, le fondateur de cette secte à la base, eh bien il est revenu sur beaucoup de choses, et il a affirmé les attributs d'Allah dedans, comme Al-Istiwa et Al-Rida et ainsi de suite. Donc à cause de ça, Ibn Taymiyyah a dit, s'ils disent qu'ils sont Asha'ira et qu'ils croient en Al-Ibana et tout ce qui est affirmé dedans, dans ce cas-là c'est correct. Et il cite ici la parole de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, que c'est tiré du livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle At-Tis'iniyya. At-Tis'iniyya, le volume 1 à la page 265-271. Ça, c'est une des éditions de At-Tis'iniyya. Sinon, pour ceux qui ont peut-être une autre édition, il y a des éditions plus anciennes. At-Tis'iniyya, c'est le volume 5 de le volume 5 ou 6 de Al-Fatawa al-Kubra. Ibn Taymiyyah, il a une fatwa autre que Al-Majmou' al-Fatawa. C'est un fatwa qui s'appelle Al-Fatawa al-Kubra. Et c'est 5 ou 6 volumes. Le dernier volume de Al-Fatawa al-Kubra, c'est Al-Tis'iniyyah. D'accord ? Il a été publié séparément maintenant. Et c'est pour ça que je crois que, probablement, quand ils disent le volume 1, c'est cette édition qui a été publiée, qui est Al-Tis'iniyyah tout seul, sans Al-Fatawa al-Kubra. Après, le cheikh il dit, Ana la aqul laysa fi al-ibanati shay, walakin fi al-ghalib hiya ala madhhab al-salaf. يؤمن بما قال السلف بكذا يعني بكذا وكذا ويثبت العلو والمجيء والاستواء وما شاكل ذلك ويثبت الصفات ويبقى شيء عليه يبقى شيء عليه في الكلام أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام من دان منهم بما في الإبانة فهو من أهل السنة بشرط أن لا ينتسب إلى الأشعرية لأن في ذلك مفسدة. Donc, le cheikh, il explique. Il dit, je ne dis pas qu'il n'y a rien de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a rien d'erreur dans l'Ibana. Non, dans l'Ibana, il y a encore des... Il y a quand même quelques erreurs. Sauf que, de façon générale, le livre, il est sur la voie des salafs. Et il dit, par exemple, dedans, je crois en ce que croyaient les salafs. Et il énumère les éléments qu'il affirme. Il affirme par exemple le fait que Allah est au-dessus de sa création, il affirme qu'il vient au jour de la résurrection, il affirme qu'il est élevé au-dessus de son trône, et ainsi de suite. Et il affirme des attributs. Il reste encore quelques erreurs au sujet de la parole d'Allah et des choses comme ça. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, quiconque prend sa religion par rapport à ce qui est écrit dans Al-Ibana, il fait partie d'Ahl-Sunnah à condition qu'il ne s'apparentent pas à la secte des Ash'ariyah et qu'ils disent pas je suis Ash'ari, parce que dans ça il y a un mal, il y a un méfait, il y a un mal dans le fait de se dire Ash'ari. Pourquoi? Parce que la plupart des musulmans d'Ahl Sunnah, ils savent que Abul Hassan al-Ash'ari, hein, il a passé par plusieurs étapes dans sa vie. Premièrement, il est né en quelle année? Abul Hassan al-Ash'ari est né en 260, après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'il est mort après les quatre grands imams d'Ahl Sunnah. Il est mort après la mort de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. Les quatre imams d'Ahl Sunnah qu'on connaît, des madahib reconnus, hein, ces quatre imams qui étaient sur la aqida des salafs, eh bien, tous ces grands imams-là, ils étaient tous morts avant la naissance de Abul Hassan al-Ash'ari. D'accord? Deuxièmement, Abul Hassan al-Ash'ari est né en 260 et il est grandi dans la maison d'un des chefs de la secte des Mu'tazila. Et c'est lui qui l'a élevé, hein, son beau-père, Al-Jubba'i, était le chef de la secte des Mu'tazila. Abul Hassan al-Ash'ari est resté pendant 40 ans sur la secte, la croyance de la secte des Mu'tazila. C'est-à-dire, il nie les attributs d'Allah et il nie la prédestination, hein, et beaucoup d'autres égarements comme ça. Pendant 40 ans de sa vie, vous imaginez? Et les Asha'ira, c'est pas des gens de hadith, donc les Mu'tazila, c'est pas des gens de hadith. Les Mu'tazila, en général, ils aiment pas le hadith ni la science de hadith, donc ils étudient pas ilm al-hadith en général. Hein? Et ils rejettent les hadiths qui sont, selon eux, ahad. Surtout dans l'aqida, ils prennent pas les hadiths. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Abul Hassan? Après un certain temps, il a commencé à avoir des doutes. À 40 ans, il a commencé à avoir des doutes dans la secte des Mu'tazila. Et il a adopté la voie des gens de Kalam, Ahlul Kalam, et de un en particulier qu'on appelait Ibn Kullab. Et ça, c'est des gens de Kalam, c'est des gens qui se basent sur la philosophie, comme les Mu'tazila, mais ils essaient de réunir ça avec la Sunna en même temps. Donc, ils prennent une partie de la philosophie et de la logique soi-disant des Mu'tazila, et ils mélangent ça avec une partie un peu de la Sunna, et ils essaient de faire un mélange entre les deux pour réunir, soi-disant, selon eux, entre la raison et la révélation. Sauf que ils ont fait beaucoup d'erreurs en essayant de prendre cette méthode, cette voie qu'ils ont inventée. C'est qu'ils nient beaucoup d'attributs d'Allah, parce qu'ils prétendent que ces attributs-là ne sont pas affirmés par la raison, donc ils les rejettent. Et Abul Hassan al-Ash'ari est rentré dans cette voie-là. Donc il a quitté la voie des Mu'tazila à 40 ans, puis il est rentré dans la voie des Kullabiyya. D'accord? Donc il est resté dans cette voie-là pendant plusieurs années. Donc ça, c'est à l'an 300. Il est rentré dans cette secte à l'an 300. Donc à l'âge de 40 ans. Et on dit qu'il est mort, je pense, à l'an 330, si je ne me trompe pas. Donc, pendant 30 ans, pendant quelques années, il est resté avec les gens de Kalam, comme les Kullabiyya. Puis, on dit qu'avant de mourir, il est revenu à la position des salafs. Il a écrit des livres, comme Al-Ibana, fi Usul al-Diyana, le livre dont Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Puis, il y a un autre livre aussi qu'il a écrit qui s'appelle Maqalat al-Islamiyyin. Et dans ces deux livres-là, il affirme les attributs d'Allah et il dit « Je suis sur la croyance des salafs et la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal. » Donc, c'est comme pour dire qu'il s'est repenti à la fin de sa vie. Naam. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui aujourd'hui prétendent ou disent qu'ils sont Ash'ari, ils ne prennent pas la position de l'imam al-Ash'ari avant sa repentance, c'est-à-dire après sa repentance. Ils prennent sa position quand il était dans la position intermédiaire après avoir quitté les Mu'tazila et avant de s'être repenti et d'avoir accepté la aqida des salafs. D'accord? Et c'est pour ça que certains ulama ont mentionné, comme comme l'a mentionné justement Ibn Taymiyyah et comme l'a mentionné Cheikh Rabi', c'est que même dans le livre Al-Iban, hein, c'est vrai qu'il a affirmé beaucoup des attributs qu'il niait auparavant, mais il reste encore certains problèmes dedans. D'accord ? Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, si quelqu'un croit en qu'est-ce qui est dans Al-Iban, et il dit, moi oui, je suis, selon la, je suis la croyance hein, de Al-Ash'ari qui est mentionné dans Al-Iban, il dit, celui-là, il est sur la voie de Ahl-Sunnah, il fait partie de Ahl-Sunnah, à condition qu'il ne se dise pas Ash'ari. Pourquoi ? Parce que Al-Ash'ari, c'est devenu quelque chose qui est synonyme de négation des attributs d'Allah et de Bid'ah. Donc le Cheikh, il dit, et en note de bas de page ici, il mentionne même les paroles d'Ibn Taymiyyah. Dans Majmou' al-Fatawa, le volume 6, à la page 359, il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى, il dit, وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب للأشعري بدعة لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير انتهى كلامه. Donc c'est ça, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, celui qui dit qu'il croit en ce qui est écrit dans Al-Ibana, qui a été écrit par Al-Ash'ari, qui l'a écrit à la fin de sa vie, et qui n'a pas fait paraître ou laissé paraître aucune parole qui contredit ce qui est dedans, alors on le calcule comme faisant partie des gens de Ahl-Sunnah. Mais le simple fait de s'attribuer ou de se dire Ash'ari, c'est une bid'ah, c'est une innovation. En particulier du fait qu'il y a dans ça le fait qui donne l'impression, il y a comme dans le fait de se dire Ash'ari, il y a quelque chose dans ça qui donne l'impression que tu considères comme étant bon tout ce qui est attribué à Al-Ash'ari. Et ça, ça ouvre la porte à beaucoup de mal. Hein? Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans... Parmi les gens qui se disent Ash'ari, il y a des gens qui nient les attributs d'Allah, hein, et qui les déforment de leur sens réel. Donc, si tu acceptes cet attribut-là, ça implique de la confusion et du mélange. Parce que quelqu'un va dire, moi je dis que je suis Ash'ari selon qu'est-ce qui est écrit dans Al-Iban et pas d'autre chose. Tandis que l'autre, il dit Ash'ari, mais il veut dire qu'il croit à qu'est-ce que Al-Ash'ari croyait avant hein, de se repentir. Donc, ça devient une porte qui s'ouvre vers l'égarement et une source de confusion. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne doit pas du tout s'apparenter ou se dire Ash'ari. Pourquoi ? Parce que c'est une voie d'égarement. Hein? Et c'est quelque chose qui est une bid'a. C'est quelque chose qui est contraire à la voie d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Parce que les Asha'ira et les Maturidiyya aussi, Maturidiyya c'est la même chose que les Asha'ira, ces deux groupes ne sont pas des groupes qui font partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ce sont des groupes parmi les groupes de bid'a qui ont suivi la même voie que la voie des Jahmiyyah et des Mu'tazila dans les attributs d'Allah. Allah musta'an. Le Cheikh il dit ensuite, فالشاهد الآن فالشاهد أن الأشاعرة نحن الآن لا نكفرهم لكن نبدعهم ومن قامت عليه الحجة في أبواب الأسماء والصفات وغيرها مما يخالفون فيه أهل السنة إن رجع عن ذلك فالحمد لله وإن لم يرجع فيكفر. بل الأشاعرة ضموا إلى الأشعرية المذاهب الصوفية. الصوفية تغلغلت في الأشاعرة على مختلف مذاهبهم من مالكية وشافعية وحنفية, دخلت فيهم الصوفية خاصة المالكية باسم الصوفية, مع أن الإمام مالك حارب البدع حربا لا هداوة لا هوادة فيها رحمه الله. ومع ذلك وقعوا في أشعرية ووقعوا في التصوف الغالي من التيجانية ومنهم التيجانية ومنهم المغرينية ومنهم والأحناف منهم النقشبندية والسهروردية والقادرية وهم ينتمون إلى السنة. فهؤلاء ضموا إلى أشعريتهم هذه المناهج الصوفية الكفرية، فهؤلاء على خطر عظيم، ومن يعرف منهم الحق ويعاند فهو كافر، ومن لا يعرف الحق ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. Donc qu'est-ce qu'il explique Cheikh Rabi ici, hafizahullah, il dit que qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce qu'on vient de mentionner, c'est que les Asha'ira, maintenant, on ne les déclare pas kuffar, mais on les déclare comme étant des innovateurs, des mubtadi'a. Et il dit ceux d'entre eux sur qui on a établi les preuves dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs, et d'autres questions également, parmi les choses dans lesquelles ils contredisent le sunnah al-jama'a, s'ils reviennent de ce qu'ils ont eu comme croyance, alhamdoulillah. Toutefois, s'ils persistent après avoir établi la preuve contre eux, eh bien, ils sont déclarés kuffar par la suite. Il dit que, même que les Asha'ira, ils ont ajouté à la question de la croyance des Ash'ariyah et de la secte des Ash'ariyah plusieurs des différentes voies soufis. Et donc c'est pour ça que tu vois que la plupart des Asha'ira sont soufis, sont des soufis. Hein? Donc le soufisme, il s'est infiltré dans la croyance Ash'ariyah. Lequel des deux est venu en premier? Est-ce que c'est l'Ash'ariyah ou le Tasawwuf? C'est une bonne question. En fait, je crois que les deux sont venus presque dans la même période. Les égarements dans ces croyances-là sont venus à peu près dans la même période. Mais sinon, je pense même que les soufis sont venus un peu avant. Non, je pense que les soufis sont venus un peu avant. Mais tu sais que le soufisme, à l'époque, il n'avait pas la même signification qu'il a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec le soufisme? C'est qu'il a dégénéré au fur et à mesure qu'il a évolué. Donc, au tout début, peut-être que pour les soufis, au début, quand ils ont commencé, le soufisme, pour eux, c'était juste de faire plus d'efforts dans l'adoration, et de faire plus de prières, plus de zikr, plus d'efforts dans l'ibad. Mais, à force de s'éloigner de la science et des hommes de science, eh bien, ils se sont égarés de plus en plus. Et ils ont commencé à ajouter des choses dans le soufisme, hein, comme la philosophie, comme les croyances hérétiques, les croyances ésotériques, et toutes sortes d'autres voies et d'autres sectes qui se sont infiltrées à l'intérieur, jusqu'à ce que ça devienne une autre religion même. Hein, et que ça rentre même des croyances de kof et de shirk. Ils ont mélangé dans le soufisme des croyances des bouddhistes, des croyances des hindous, des croyances des chrétiens, des croyances des juifs, des croyances des grecs, des philosophes grecs et de toutes sortes d'autres philosophies et d'idéologies, et même des croyances, par exemple ceux qui sont entrés en Afrique, eh bien ils ont même rentré dans le soufisme des croyances païennes qu'avaient les Africains avant l'islam. Ils ont mélangé ça avec le soufisme. C'est pour ça que tu trouves maintenant beaucoup de gens qui se disent marabouts, ils se disent musulmans, puis ils pratiquent des formes de sihr et des formes de kufr et de shirk, et ils disent qu'ils sont musulmans. Avec des non-musulmans. Exactement. Donc, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu vois que partout où ils ont été, en Inde, c'est la même chose. Au Pakistan, c'est la même chose. Dans les pays arabes, c'est la même chose. Dans les pays, Indonésie, Malaisie et autres, c'est pareil. Partout où ils sont allés, ils ont mélangé les anciennes croyances de shirk avec le soufisme, et c'est ça qui est pratiqué maintenant dans plusieurs pays comme étant l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça. Les Asha'ira, la plupart sont soufis, c'est ça. Et tu trouves que par exemple, ils vont prétendre qu'ils s'attachent beaucoup au madhab. comme ils vont dire par exemple, nous on est des malikites, on est des hanafites, on est des shafi'ites dans le fiqh, mais dans le mal, dans la croyance, ils sont asha'ira. Dans la croyance, ils sont asha'ira ou asha'ariya ou maturidiya. Pour les ahnaf, ils disent maturidiya. Et dans suluk, dans le comportement et la conduite, ils disent nous on est soufis. Et là, ils ont différents turuq. Hein? Comme le cheikh il l'a mentionné. Donc, il dit en particulier chez les malikiyas, hein, dans l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, tu trouves ça. Au Soudan aussi, ils se disent maliki, mais en même temps soufi. Alors que l'imam Malik était un parmi les imams qui étaient les plus durs dans la guerre contre la bid'a. Et il détestait les bid'a. Et il combattait la bid'a. Il a même plusieurs citations qui font la guerre à la bid'a. Et qu'on mentionne tout le temps dans les livres de la Sunna. Malgré tout, tu les vois, hein, ils sont tombés dans la sharia extrémiste. Et ils sont tombés même dans le tasawwuf, dans le soufisme extrémiste. Et c'est pour ça que tu trouves chez les malikiyas, c'est de là que tu trouves certains des turuqs les plus égarés parmi les turuqs soufiyas. Comme par exemple les tijaniyas, hein, une des sectes les plus égarées, les groupes les plus égarés parmi les soufis, les tijaniyas, les mirriniyas et d'autres également. Hein, en Afrique de l'Ouest, tu trouves également les isawiyas et les Gnawa, les Isawiyas, c'est une autre tariqa soufie. Tu sais, si je commençais à t'énumérer la liste des noms des turuqs soufis, peut-être que j'aurais continué jusqu'à demain, j'aurais pas fini encore. Isawiyas, Darkawiyas, Mouridiyas, ça n'a pas un lien avec Isa, c'est un autre de leurs chouyours qui s'appelait Isa, c'est pas Isa. Shaziliyas, hein, et ainsi de suite. Et pour les Ahnaf, dans les pays comme par exemple en Inde, au Pakistan, vous trouvez plus les Turuq Soufiyas comme les Naqshbandiyas, Saharwardiyas, Qadiriyas, Jistiyas, et ainsi de suite. Voyez, les Naqshbandiyas, ils ont une de leurs mosquées ici, là, avec leur cheikh. Cheikh. En tout cas, il y a plusieurs de leurs égarés là-bas. Et l'autre qui était à leur tête, là, Cheikh Nazim, il est mort il n'y a pas longtemps. Alhamdulillah. Donc, Allah nous a débarrassés de ce Dajjal, de ce Shaytan. Et espérons qu'il nous débarrassera de beaucoup d'autres d'entre eux. Et c'est pour dire, il y a tous ces groupes, hein, de soufisme. Et ils se disent tous Ash'ariya. Et ils prétendent être le vrai sunni, hein, le vrai, qu'est-ce qu'ils appellent le sunnisme. Ils ont même des sites comme ça, le sunnisme. Et ils pensent qu'ils sont les vrais sunnites, les vrais. Le sunna, ce sont eux les vrais, ils prétendent. Alors qu'ils sont, il y en a plein d'autres bid'ats, plein d'égarements. Malgré tout, ils prétendent être sur la bonne voie. Et l'autre jour, j'étais en train de regarder ça sur un de leurs sites. Ils disaient les témoignages des non-musulmans qui ont confirmé que la majorité des musulmans sont ash'arites. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des citations de certains soi-disant orientalistes ou spécialistes parmi les non-musulmans qui sont soit islamologues ou autres et qui mentionnent que la majorité des théologiens dans le monde musulman, dans l'histoire, sont des soi-disant ash'arites. Il y a des choses de ce genre. Et quand tu regardes les noms qu'ils mentionnent, ils ne mentionnent que des noms de, justement, des savants qui ont fait partie de la secte des ash'ariyas. Hein? Mais ils ne remontent jamais jusqu'à l'époque des salafs. Par exemple, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, ash'ariyas n'existait pas. Puisque c'est une bid'a qui est apparue par la suite. Et il y a beaucoup de savants, malheureusement, qui ont été trompés, hein, à croire en cette croyance-là. Et beaucoup de savants aussi à cause du taqlid. À cause du taqlid, c'est-à-dire de suivre son cheikh aveuglément sans remettre en question qu'est-ce qu'il enseigne, qu'est-ce qu'il dit. Donc, des fois, c'est par... Il pense du bien du cheikh et il fait confiance au cheikh. Donc, il s'imagine que s'il enseigne une croyance, que ça doit être la bonne. Et il ne va pas vérifier dans le Coran, dans la Sunna, si ça c'est vrai ou non. Et donc, eux, c'est comme ça. Ils font juste répéter. qu'est-ce que leur chouïr leur a enseigné sans réfléchir, sans comprendre. Allah musta'an. Donc il dit le chef que ils ont donc rajouté à la croyance des Asha'ira des différentes méthodologies de kufr qui existent chez les soufis. La croyance en Wahdatul Wujud et la croyance en Al-Hulul et la croyance en toutes sortes d'autres bid'ah, des choses même qui sont kufr et shirk, il les inclut dans le soufisme. Après il dit ces gens-là sont dans un grand danger. Celui d'entre eux qui connaît la vérité et qui s'obstine qui persiste à ne pas accepter la vérité, eh bien celui-là il est kafir. Mais celui qui connaît la vérité, mais celui d'entre eux qui ne connaît pas la vérité, on ne le déclarera pas mécréant jusqu'à ce que la preuve soit établie contre lui. Jusqu'à ce que la preuve soit établie contre lui. Et bien entendu, la preuve contre les gens de bid'ah comme ça, c'est des ulama qui l'établissent. C'est pas n'importe qui, hein. Donc, on a expliqué ce point-là. Maintenant, il reste un autre point qu'on va expliquer avant de terminer le dars. C'est qu'est-ce que les deux imams, Raziyan, Abu Hatim et Abu Zura, ont mentionné par la suite. C'est à propos des Rafidah. Ils disent dans le point numéro 27, وَأَنَّ الرَّافِضَ رَفَضُ الْإِسْلَامِ. Il dit que les Rafidah ont refusé l'islam. Parce que le terme rafd en arabe, ça veut dire le refus. Et on appelle les Shia Rafidah. Pourquoi? Parce que il y a une raison historique pourquoi on les appelle Rafidah. Mais ici, les deux imams ont dit Rafadu al-Islam. C'est comme si on les appelle Rafidah. Ceux qui ont refusé, parce qu'ils ont refusé d'accepter l'islam. Mais historiquement, on les a appelés Rafidah parce qu'ils ont refusé d'accepter un de leurs imams parmi les imams des descendants de Ali, radiallahu anhu, qui était Zainul Abidin. Hein? Et celui-là, qui était je pense que c'était le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Et ils sont allés le voir et ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu dis à propos de Abu Bakr et Omar ?» Il a dit « Je dis que ce sont les deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux khulafa rachidin. » Il a refusé de les insulter. Alors à cause de ça, ils l'ont refusé. C'est-à-dire ils ont refusé de l'accepter comme un de leurs imams. Alors depuis ce temps-là, on les a appelés les Rafidah. C'était devenu leur nom. Et c'est pour ça que c'est par ça qu'on désigne la secte des Shia qui est la plus répandue à l'époque actuelle en Iran, au Liban, en Inde, au Pakistan et dans plusieurs autres pays, en Syrie et ailleurs. Ce sont des Rafidah, okay, des Shia Rafidah. Donc Cheikh Rabi il explique à leur sujet, on avait fait une khutbah sur ça là, il y a deux semaines. Le Cheikh il dit Al-Rafidah fihim man rafada l'islam وكثير من السلف كفرهم والآن زادوا كفرا على مر الأيام يزدادون كفرا فهي عهد المؤلف ما بلغوا ما هذا المبلغ الذي وصلوا إليه الآن يعتقدون الآن في الأئمة أنهم أفضل من الأنبياء وأن الإمام منهم لا يلحقه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن للإمام سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون هؤلاء كفار. Donc le cheikh il explique, il dit que les rafidah parmi eux il y en a qui ont refusé l'islam et beaucoup d'entre les salafs les ont déclarés kuffar, hein, comme il y a plusieurs justement paroles des salafs à ce sujet là il dit et maintenant ils ont même augmenté dans leur kufr. Et avec les jours qui avancent, chaque fois que le temps passe, eh bien leur kufr augmente. Il dit que à l'époque de l'auteur, c'est-à-dire à l'époque des deux imams, Abu Hatim et Abu Zura, ils n'avaient pas atteint le degré de kufr qu'ils ont atteint aujourd'hui. Il dit qu'aujourd'hui, ils croient en leur imam qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Ils croient que les descendants de Ali, radiallahu anhu, hein, qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Et il croit également que les imams, aucun ange rapproché ni prophète envoyé ne peut les rejoindre dans leur excellence et dans leur degré. Et ils croient même que les imams, ça dit quand on dit les imams chez les chiites, c'est les descendants de Ali, les 12 descendants qu'ils croient eux, ou les 11 ou 12 en tout cas. Le 11e, il est disparu, on ne sait pas où il est. Ils attendent qu'il réapparaisse à la fin des temps. Depuis 1200 ans, ils l'attendent. Il n'est pas encore réapparu. Donc, il est devenu invisible à l'époque où il était enfant. Il y a 1200 ans, il est devenu invisible. Et il se cache. Depuis 1200 ans, il se cache jusqu'à aujourd'hui. Et ils attendent qu'à la fin des temps, il réapparaisse. Mais c'est lui l'imam qui contrôle le monde aujourd'hui. Juste depuis cette époque jusqu'à maintenant. J'ai oublié comment il l'appelle. Mais sinon, ils ont inventé un nom pour lui, là. Mais la vérité, c'est que... La vérité, c'est que son père n'a jamais eu d'enfant. Celui qui était le père de cet imam invisible, il n'a pas eu d'enfant. Il est mort sans enfant. Donc, ils ont inventé un enfant qui était invisible. Et, en tout cas, ils disent que ces imams, ils ont un pouvoir créationnel devant lequel tous les atomes de la création sont soumis. Hein, ça, c'est leur autorité et pouvoir. Hein, c'est ça leur croyance à ces gens-là. Et ça, cette parole, on la retrouve dans le livre de Al-Khomeini. Al-Khomeini, il a cité ça dans son livre « Hukumat Islamiya ». Oui, ça c'est du shirk akbar, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute de ça. Et il dit, le cheikh ensuite il dit, ceux-là sont des kuffars. Et il dit, وكان في خصام بين الرافضة وبين الباطنية النصيرية والدروزية وما شاكل ذلك كان الرافضة في ذلك الوقت في الوقت السابق يكفرون هؤلاء الباطنية بماذا كفروهم من المكفرات ومن أهمها أنهم يفضلون أئمة أهل البيت على الأنبياء كان الروافض فيما سلف يكفرونهم الآن أخذوا بهذا المبدأ وغلوا فيه أكثر من الباطنية وأن أهل البيت والأئمة من أهل البيت أفضل من الأنبياء وأن الإمام منهم لا يبلغ درجته ملك مقرب ولا نبي مرسل أضافوا إلى ذلك أنهم يتصرفون في هذا الكون يعني يتصرف في كل ذرة من ذرات الكون يعني هذا الاعتقاد أنهم صاروا آلهة فهذا من أكفر الكفر. Donc le cheikh il dit, à l'époque il y avait comme un débat ou une dispute entre les rafida et ce qu'on appelle les batiniya, parce que vous devez savoir que les shia ils sont divisés en différentes sectes. Il y a les rafida, puis les autres sectes comme les Nusayriya, les Druze, les Ismaïliya et autres. Oui, les Druze aussi font partie des Shia. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ils avaient un conflit entre eux. Et avant, dans le passé, les Rafida, ils déclaraient ces autres groupes de Batiniya comme étant des Kuffars. Les Rafida déclaraient les autres Shia Kuffars, ces groupes, ces autres sectes. Parce que, pourquoi ils les déclaraient Kuffars? Le cheikh il dit parce que il considérait qu'ils avaient fait des choses qui étaient kufr, et parmi les plus importantes de ces choses-là, c'est qu'ils préféraient les imams de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des descendants de Ali, ils les préféraient aux prophètes. Aujourd'hui, les rafida eux-mêmes, yani, ils croient en ça. C'est-à-dire, avant, ils déclaraient les batiniyas kuffar parce qu'eux croyaient en ça. Dans le passé, ils les déclaraient kuffars pour ça. Aujourd'hui, ils ont pris cette même croyance que les Batiniya avaient. Ils l'ont adoptée eux aussi. Et ils ont exagéré au sujet de cette fausse croyance plus que les autres sectes shia. Il y en a qu'ils déclaraient kuffars auparavant. Ils disent que les gens de la famille de Ali, les descendants d'Ali radiallahu anhum, et les autres imams d'Ahlul Bayt, ils disent qu'ils sont meilleurs que les prophètes, et qu'un d'entre eux, c'est-à-dire chacun de ces imams, avait atteint un degré que nul ange rapproché ne peut atteindre, ni prophète envoyé ne peut atteindre. Et ils ont ajouté à ça que c'est eux qui contrôlent l'univers et que tous les atomes de l'univers sont soumis à leur autorité. Donc, ça, cette croyance, ça veut dire qu'ils croient qu'ils sont devenus des dieux. Ils croient qu'ils sont devenus des dieux. Et ça, il dit, ça c'est plus kouf, ça c'est le plus grand kouf qui peut exister. C'est du shirk majeur et c'est du shirk dans Ar-Rububiyya en plus. Même les mouchriquins de Quraysh ne faisaient pas de shirk dans Ar-Rububiyya. Ils faisaient seulement shirk dans Al-Ibada. Hein? Eux, ils font le shirk en plus même dans le Ar-Rububiyya. Allah musta'an. Donc le shaykh il dit, Ar-Rawafid wa ulama'uhum kuffar. الروافض علماؤهم كفار زنادقة وعوامهم الذين ما عندهم هذه العقائد العوام الذين عندهم هذه العقائد كفار الذي يكفر الصحابة منهم كافر الذي يكفر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر إذن هناك روافض سلموا من هذه العقائد الكفرية فهم روافض ولكن لا نكفرهم فإذا دخلوا وأوغلوا ولحقوا الأئمة أئمتهم أئمة الزور والضلال فهم كفار مثلهم. Donc le cheikh il explique, il dit que les روافض, leurs savants sont des kuffars et des hérétiques, ça y a pas de doute que les savants, les imams parmi les rafidah sont tous des kuffars. Le commun d'entre eux, maintenant, s'il a les mêmes croyances que leurs imams, ils sont des kuffars. Si par exemple ils déclarent les sahaba kuffars, ils sont des kuffars. S'ils déclarent kuffars les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des kuffars. Hein? Mais si par exemple ils n'ont pas eu ces croyances-là, ils sont rawafid, mais ils n'ont pas cru aux croyances des rafidah. Cheikh dit, dans ce cas-là, on ne va pas les déclarer kuffar. Mais s'ils rentrent yani dans ces croyances-là et qu'ils ont les mêmes croyances que leurs imams, leurs imams d'égarement et de mensonges, alors dans ce cas-là, ils seront kuffar de la même façon qu'eux. Hein? Ils seront dans ce cas-là kuffar comme eux. Et il reste un autre groupe que le cheikh, que les deux imams ont mentionné, c'est les Khawarij. Et ils disent, hein, ils résument, ici ils résument seulement. Pourquoi ils résument? Parce qu'on en a parlé déjà dans les cours précédents. Donc on a élaboré et détaillé dans les cours précédents, donc pas besoin de détailler encore une fois. Maintenant c'est juste résumer chaque secte, qu'est-ce qu'ils ont, et de mentionner le verdict à leur sujet. Donc il dit ensuite le point numéro 28, wal khawarij murraq. Donc les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a, ils disent à propos des khawarij que ce sont des gens qui sortent de la religion. Ce sont des gens qui sortent de la religion. Donc il dit le cheikh, al khawarij, Cheikh Rabi' il explique, al khawarij man min as-salaf man yukaffiruhum. وجاءت نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بها من يكفرهم. Donc quand les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a disent que les khawarij sont des murraq, murraq ça vient du terme yani qui implique que, comme dans le hadith qui dit yamruqoun min ad-din, c'est-à-dire ils sortent de l'islam, ils sortent de la religion. Donc, ils les considèrent comme étant des gens qui sont sortis de l'islam, dans les Khawarij. Donc, le Cheikh Rabi' il explique que les Khawarij, certains des salafs, il y en a qui, parmi les salafs, qui les déclaraient kuffar. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas musulmans, les Khawarij. Et il y a des textes qui ont été mentionnés par les salafs, qui sont des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et eux ils se sont basés sur ces hadiths là pour les déclarer kuffar. Comme par exemple le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya la yujawizu imanuhum hanajirahum. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que les Khawarij, ils sortent de l'islam comme la flèche lorsqu'elle a traversé sa proie. Hein? Et leur foi ne dépasse pas leur clavicule. Hein? Leur foi ne va pas plus bas que leur clavicule. C'est-à-dire, yani, ils récitent le Coran, mais yani, comme c'est mentionné dans d'autres hadiths, يقرؤون القرآن لا تجاوزوا حناجرهم. Hein? C'est-à-dire, ils récitent le Coran sans aucune compréhension, sans aucune foi réelle. Donc leur foi ne dépasse pas leur clavicule. Et il dit, peu importe où vous les trouvez, alors tuez-les. Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui les ont tués au jour de la résurrection. C'est-à-dire ceux qui les ont combattus avec le dirigeant musulman lorsque le dirigeant, avec son armée, décide de les combattre. Hein? Chaque fois que tu tues un khariji, tu as une récompense. Et si tu t'es fait tuer par un khariji, tu as une récompense aussi d'être tué par eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Touba liman qatalahum ou qataluhu » C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qui les a tués ou qui a été tué par eux. Hein? Et même il a dit « Khayru qatla tahta adim al-sama » C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été tué qui est meilleur sous le ciel que celui qui a été tué par un khariji. C'est-à-dire si tu t'es fait tuer par un khariji, Allah il te donne une grande récompense. Naam. Et après il dit وَلَهُمْ الْآنْ أَتْبَاعٌ يَنْتَسِبُونَ إِلَى السُنَّةِ بَلْ يَنْتَسِبُونَ إِلَى السَّلَفِيَّةِ وَهُمْ سَائِرُونَ عَلَى هَذَا الْخَطِّ خط الخوارج في تكفير المسلمين واستباحة أموالهم ودمائهم. Donc le cheikh il dit aujourd'hui ils ont même des fidèles parmi les khawarij qui se prétendent suivre la sunna et qui prétendent même la salafia parfois, et ils suivent pourtant la voie des khawarij, hein, et la ligne des khawarij dans le takfir des musulmans et le fait de rendre licite les biens et le sang des musulmans. Donc ce sont des khawarij, ils se prétendent salafi, ils se prétendent sunni, ou être sur la sunna, alors que c'est des égarés, des khawarij. Et le cheikh il dit, fal khawarij kharaju ala Ali radiyallahu anhu wa qalu la hukma illa lillah. Ali yahkumu bima anzal Allah wa ya'lamu annahu la hukma illa lillah. Qala lahum Ali radiyallahu anhu kalimatu haqqin uridu biha batil. Li'anna al-mubtadi' la budda an yakuna lahu gharad. لأنه صاحب هوى ولهذا سموا أهل البدع بأهل الأهواء يقول كلاما ظاهره الحق وله هدف من ورائه فقال لهم علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل وناقشهم هو وابن عباس ورجع من رجع منهم والآخرون صمموا على الفتنة وعلى القتال وقاتلهم علي واحتج بالأحاديث وهو وغيره على مشروعية قتلهم. Donc le cheikh dit que les khawarij, les khawarij sont sortis contre Ali radiallahu anhu pour le tuer. Ils ont dit, pour justifier leur attaque contre Ali et contre les sahaba, ils ont dit la hukma illa lillah, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement excepté à Allah. C'est-à-dire le jugement appartient à Allah. Comme s'ils étaient en train d'accuser Ali de ne pas juger selon le jugement d'Allah, de ne pas appliquer la loi d'Allah. Comme ils sont en train de dire aujourd'hui à propos des différents dirigeants musulmans. Donc, le cheikh il dit, Ali, il jugeait par ce que Allah a révélé. Et il sait qu'il n'y a pas de jugement excepté yani, pour Allah. Mais Ali leur a dit, c'est une parole de vérité, mais eux, ils veulent quelque chose de faux derrière. C'est-à-dire, c'est une parole vraie par laquelle ils veulent quelque chose de faux. Et c'est pour ça que le Mubtadi', le cheikh dit, le Mubtadi', il a toujours un intérêt ou quelque chose caché derrière, parce que c'est quelqu'un qui suit sa passion. Donc, ils disent, c'est pour ça que, C'est pour ça qu'on les appelle les gens de la bid'ah. On les appelle les gens de bid'ah, on les appelle les gens de la passion. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur passion. Et donc, il dit ici que Ali, radiallahu anhu, il a dit, c'est une parole. En apparence, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent. Mais derrière ça, il y a d'autres objectifs et d'autres buts. Et c'est pour ça qu'il dit, la hukma illa lillah. Donc, quand eux, ils ont dit, il n'y a pas de jugement accepté pour Allah, lui, il a répondu, Ali, il a dit, c'est une parole vraie, mais vous voulez quelque chose de faux derrière cette parole. Alors, il a débattu avec eux, et Abdullah ibn Abbas aussi est parti pour les rencontrer, pour discuter avec eux. Il dit, ceux d'entre eux, il y en a un groupe d'entre eux qui sont revenus, et les autres sont restés. Hein, ils sont restés fermes dans la fitna, et ils ont voulu combattre les sahaba. Alors, Ali radiallahu anhu, et de même que les autres parmi les sahaba, les ont combattus en se basant sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle des khawarij pour montrer la légitimité de les combattre. Et ensuite, il dit وَلِهَذَا لَمْ يَخْتَلِفُ الصَّحَابَ فِي قَتْلِهِمْ بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِمْ وَوُجُوبِ قَتْلِهِمْ وَتَطْهِيرَ الْأَرْضِ مِنْهُمْ فَقَاتَلَهُمْ عَلِيٌّ فقتل كثيرا منهم وبقي من بقي منهم وبقي على فكرهم وضلالهم وتداوله أتباع هذا المذهب وسموا الخوارج على مر الأيام إلى يومنا هذا. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que les sahaba ils n'ont pas divergé entre eux pour le fait de savoir qu'il faut les combattre. Il n'y a pas deux parmi les sahaba qui se sont qui ont divergé pour dire est-ce qu'on doit les combattre ou non. Ils étaient tous d'accord pour les combattre et ils ont tous été d'accord pour dire qu'il est obligatoire de les combattre et de purifier la terre de ces gens-là. Et ils les ont combattus avec Ali radiallahu anhu à leur tête et il a tué beaucoup d'entre eux. Il restait un petit groupe, quelques-uns seulement. Et ils ont gardé les mêmes idées et les mêmes égarements et ils se sont échangés ou propagés ou hérités. Ils ont chacun d'entre eux ils se sont échangés ces croyances là siècle après siècle et on les appelle les Khawarij jusqu'à aujourd'hui ils existent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé que ces gens-là, ils n'allaient jamais disparaître complètement. Qu'à chaque époque, il y allait avoir un groupe qui allait revenir avec ces croyances-là, jusqu'à la fin des temps. Et les derniers d'entre eux vont être avec le Dajjal, contre les musulmans. Donc ils vont combattre contre les musulmans avec le Dajjal. Allah musta'an. Et aujourd'hui, tu les vois comme le groupe de Daesh et les groupes comme Al-Qaïda. Et tu vois, Allah musta'an. Déjà à la base, Daesh, il découle de Al-Qaïda. Ils sont, à la base, ils étaient avec Al-Qaïda. Hein? Puis après, ils sont divisés. Maintenant, ce groupe-là, Daesh, il déclare Qaïda kuffar. Et Al-Qaïda déclare Daesh khawarij. Alors que tous les deux sont des khawarij. Hein? Oui! Exactement. Donc c'est pour dire comment ils sont entre eux. Les Khawaj, toujours comme ça. Ils font un groupe, ils essaient d'établir quelque chose, après ils se divisent et un groupe dit l'autre sont des koufars, l'autre dit ce sont des Khawaj, et ils continuent à s'entretuer comme ça, sans arrêt. Allah musta'an. Après le chef il dit Al-Shahid, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, قال هم شر الخلق والخليقة وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم الخوارج بعد ذلك العصر دخلوا في مسألة الجهمية ومسألة الاعتزال ومسألة القدر جمعوا إلى مذهبهم الفاسد مذاهب أخرى فزادوا شرا على شرهم والعياذ بالله فهم مراق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكثير من السلف كفرهم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire de façon générale, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij qu'ils sont la pire des créatures. Hum sharrul khalq, la pire des créations et des créatures. شر الخلق والخليق والخليقة. Et il a dit à leur sujet qu'ils sortent de la religion comme la flèche lorsqu'elle est lancée et qu'elle passe à travers sa proie. Et donc les Khawarij, hein, puis il dit après les Khawarij, après ceux qui sont venus plus tard, ils sont rentrés dans d'autres égarements aussi, d'autres égarements comme la bid'a de Jahmiya et la bid'a de Mu'tazila et la bid'a du Qadar, la négation de la prédestination. Donc tu trouves aujourd'hui des gens qui sont des Khawarij, ils nient les attributs d'Allah et ils ont la même croyance que les Mu'tazila, hein, au sujet des noms d'Allah et des attributs et au sujet même de la prédestination. Donc ils ont rajouté des bid'a à leur bid'a, comme par exemple la secte qu'on trouve à Oman, un pays qui s'appelle Oman. C'est ça, Oman. Puis il y a aussi un autre pays qui s'appelle, en fait vous connaissez, c'est l'Algérie, hein, l'Algérie, et l'Algérie, la Tunisie, attendez, tu vas voir, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il y a dans ces pays-là un groupe qu'on appelle les Ibadiyya. Ibadiyya. Et ce groupe-là, c'est un groupe de Khawarij. Leur chef, le chef de cette secte, il est le sultan de Oman. Et eux, ils retournent même à cet imam au Moyen-Orient. Oui. Donc, tu les trouves, les Ibadiyya, en Algérie, on les appelle les Mozabites. Hein? Les Mozabites. Et ils sont dans le sud de l'Arabie. Ils habitent dans la région de l'Algérie. Ils appellent une région qu'on appelle en arabe Ghardaya. Ghardaya. Dans cette région-là, c'est des Ibadiyya. Ce sont des Khawarij, ce sont des gens de Bid'a. Et leur cheikh, qui est en Oman, ils ont leur chouyouch là-bas, eux, tu les vois, ils nient les attributs d'Allah. Ils nient le Qadar. Beaucoup de choses comme ça. Ils ont beaucoup de bid'a des Mu'tazila et des Jahmiya. Ils ont rajouté à la bid'a des Khawarij. Probablement. Parce qu'ils sont tous. C'est-à-dire que les Ibadiyya font partie de ceux qu'on appelle les Qa'adiyya. Khawarij al-Qa'adiyya. Les ulama, ils disent que ce sont les pires parmi les Khawarij. Ils ne prennent pas les armes eux-mêmes, mais ils incitent les autres à le prendre et à le faire. Oui, des fois, ils peuvent être violents aussi. Parce qu'en tout cas, ils sont des gens très dangereux et ils s'opposent à la Sunna. Et même, ils ne prient pas avec les autres musulmans. Ils ne se mélangent pas avec les autres musulmans. Ils ne se marient pas avec les autres musulmans. Parce que pour eux, les autres ne sont pas des musulmans. C'est juste eux qui sont musulmans. Oui, naam. Allah musta'an. Donc, naam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit que, ils ont augmenté en mal. Hein? Donc, ils sont ce qu'on appelle les murraq. Murraq, c'est-à-dire ceux qui quittent la religion. Et beaucoup d'entre les salafs ont déclaré les khawarij kuffar justement à cause de ça. Et aussi parmi les raisons qu'ils mentionnent, c'est qu'ils rendent le meurtre halal. Ils croient que tuer, c'est halal. Tuer les musulmans, c'est halal et tout. Donc, ils font le takfir et tout. Ils font le takfir des dirigeants. Ils appellent toujours à se révolter contre le dirigeant lorsqu'il commet un péché. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a des ulama qui ont dit que ce sont des kuffars. Et parmi les ulama qui ont considéré ça, hein, cette opinion-là, il y a les Cheikh Ibn Baz. Il considérait que l'opinion correcte à propos des khawar, c'est que ce sont des kuffars. Hein. Et même il y a un Cheikh qui expliquait il n'y a pas longtemps Cheikh Hani Al-Breik, un des mashaykhs du Yémen, il disait justement dans une conférence qu'il a donnée à propos des Khawarij, de Daesh. Il a fait une conférence qui s'intitule Daesh, humul adou fahdharhum. Et dans cette conférence qu'il a donnée, il mentionne dedans, il dit il faut faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans que ces gens-là, Daesh, ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. C'est des gens qui font des. Qu'est-ce que ces gens-là font ? Ils ne peuvent pas être considérés comme étant des musulmans. Ce n'est pas possible. Naam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.